Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. J'ai vu les champs de l'Helvétie et ses chalets et ses glaciers. J'ai vu le ciel de l'Italie et Venise et ses gondoliers. En saluant chaque patrie, je me disais aucun séjour n'est plus beau que ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Il est un âge dans la vie où chaque rêve doit finir, un âge où l'âme recueillie a besoin de se souvenir. Lorsque ma muse se refroidit, aura fini ses chants d'amour, j'irai revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Parmi de riches pâturages qu'on fait valoir tous nos aïeux, s'élève le clocher du village, près duquel il repose heureux. C'est là que j'ai reçu la vie, c'est là que j'ai connu l'amour. Je veux revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné.